بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع اليوم في الدرس الثامن في تفسير كتاب الله تعالى aujourd'hui le 8e cours dans l'exégèse du livre d'Allah le très haut وقد رأينا بالأمس أن الله تعالى أقسم في أول سورة النازعات بملائكته. Nous avons vu hier que Allah le Très-Haut a juré en début de la sourate An-Nazi'at, il a juré par ses anges. وقبل أن ننطلق إلى الآيات الأخرى هناك مسألة تكلم فيها العلماء أيهما أفضل بين صالح بني آدم والملائكة. Et avant de passer aux autres versets, il y a un sujet que les savants ont abordé. Ce sujet, c'est lequel des deux est meilleur, entre les pieux parmi les enfants de Adam ou alors les anges. فإنه قالت طائفة بأفضلية صالح بني آدم وقالت طائفة بأفضلية الملائكة. Certains savants, ils ont dit que les pieux parmi les enfants de Adam sont mieux. Et d'autres savants ont dit que ce sont les anges qui sont mieux. وقد سئل عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Et certes, شيخ الإسلام ابن تيمية rahimahullah, il fut interrogé à ce sujet. Il dit: فإن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالح البشر أكمل من حال الملائكة. Et donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il répond à cette question en disant: certes, les pieux parmi les êtres humains sont meilleurs si on prend en compte la fin. Mais les anges sont meilleurs, excusez-moi, si on prend en compte l'aspect parfait de la fin, la perfection de la fin. Mais les anges sont meilleurs si on prend en compte le début. Car certes, les anges actuellement sont dans les hauts degrés, فِدْرَفِيكَ الْأَعْلَى, et ils sont certes exempts d'accomplir ce que les enfants, ce que Benu Adam peuvent accomplir comme mauvaise chose. Et certes, les anges s'adonnent à l'adoration de leur Seigneur. Les anges s'adonnent à l'adoration de leur Seigneur. Et il n'y a nul doute que ces situations sont actuellement plus parfaites que les situations des êtres humains. Par contre, le jour de la résurrection, après la rentrée au paradis, alors les pieux parmi les êtres humains deviendront les pieux parmi les êtres humains auront une situation qui est plus complète que celle des anges. Et cette parole, vous pouvez la trouver donc dans le Mejmou al-Fatawa, le 4e volume, à la page 343. فنرجع إلى تفسير سورة النازعات. Donc on retourne au tafsir de سورة النازعات. فأقسم الله بملائكته. Et donc Allah, il a juré par ses anges. ثم قال. Et ensuite il dit: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Le jour où celle qui tremble tremblera la terre. Et La deuxième la suivra. Et donc le jour où celle qui fait trembler fera trembler. Et la deuxième la suivra. Fahuma al-nafratan. Allati allatani takallamna anhuma fi tafsir sourate an-Naba. Et donc ce sont les deux souffles dans la trompe que nous avons abordés dans l'explication, dans l'exégèse de sourate an-Naba. Yawma tarjufu ar-rajifa. Le jour où celle qui fera trembler le fera. Hiya an-nafratul ula fi as-sur. Allati tarjufu kull shay. Et donc c'est le premier souffle dans la trompe. C'est le premier souffle dans la trompe qui va faire trembler toutes choses et qui va faire mourir tous les gens. Allah le Très-Haut qui dit Yawma tarjufu al-ard wal-jibal, le jour où la terre et les montagnes trembleront. Surat al-Muzammil, verset numéro 14. Tatsba'uha al-radifa. Et donc, celle qui, donc la deuxième, la suivra. هذه تردف الأولى ومنها تحيا الخلائق وتقوم لقيام القيامة ليوم القيامة. Et donc, ceci est le deuxième souffle qui suit le premier. Et de ce deuxième souffle, les créatures prendront vie et se lèveront pour le jour de la résurrection. فَمَاذَا سَيَحْصُرُ فِي هَذَا الْيَوْمِ. Que va-t-il se passer durant ce jour? قُلُوبُ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ. Les cœurs, durant ce jour, seront pris d'effroi. Et les regards seront abaissés. فَقُلُوبُ يَوْمَئِذٍ خَائِفَةٌ قَلِقَةٌ أَبْصَارُهَا ذَلِيلَةٌ. Des cœurs, durant ce jour, seront effrayés, inquiets. Et leurs regards seront abaissés. Ce qui montre une faiblesse. Certains savants, ils disent « kouloubun ». Ils disent ce qui est voulu. Donc ici, c'est « nakira »,« kouloubun », des cœurs. Ce qui veut dire que ce ne sont pas tous les cœurs qui seront comme cela. Ce ne sont pas tous les cœurs qui seront dans cette situation. Mais d'autres cœurs seront dans une autre situation. Kouloubun, certains cœurs. Wal munkiruna lil ba'ath. Idha qila lahum fi dunya innahum muhasabun. Yunkiruna dhalik. Fa dhakara Allah qawlahum. Et donc, ici-bas, ceux qui rejettent la résurrection, lorsqu'on leur dit qu'ils seront jugés, alors ils rejettent cela. Allah Ta'ala a alors cité leurs paroles. Il a dit Yaquluna inna lamardouduna fil hafira. Ils disent est-ce que nous serons renvoyés vers el hafira? El hafira, aïe, ce qui est voulu par le mot el hafira, c'est-à-dire awalul amr, le début, c'est-à-dire la première vie. Inna la raji'un ila khilqatina al-oula qabla al-maut. C'est-à-dire, allons-nous revenir vers notre première création avant la mort? Al-hafira. Certains savants disent c'est la vie durant laquelle on creusait notre tombe. Al-hafira, al-hafr, le fait de creuser. Serons-nous renvoyés vers cette vie durant laquelle nous creusions notre tombe? Et donc, lorsque nous ne serons plus que des os pourris, il dit ceci est donc un retour ruineux. Aïe, c'est Narsar. In raja'na ba'd al-maut, nous allons perdre Nous allons être ruinés si nous revenons après la mort. Yakuluna hada inkaran lil ba'th. Ils disent cela pour rejeter la résurrection et banaliser la résurrection. Fabayyana Allah ta'ala suhulat al-amri. Et donc Allah après cela, il a montré que cela, la résurrection est un sujet facile pour Allah ta'ala. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Il n'y aura qu'une seule sommation et ils seront tous à la surface de la terre. أي النفخة الأخيرة, c'est-à-dire le dernier souffle dans la trompe. كلهم يسمعونها وتزعجهم من قوة صيحتها. Ils l'entendront tous. Et ce son les dérangera tellement il sera fort. فإذا الناس قيام ينتظرون حسابهم. Alors là, les gens seront debout et attendront leur jugement. Et lorsqu'Allah Ta'ala il dit فإذا هم بالساهرة أي بالأرض, et donc lorsque, et donc alors ils seront à la surface de la terre, ce qui est voulu par là, donc فهم على وجه الأرض بعدما كانوا في جوفها, et donc ils se retrouveront à la surface de la terre alors qu'ils étaient auparavant sous la terre, alors qu'ils étaient auparavant sous la terre. وهذا على الله يسير. Et cela est facile à Allah Ta'ala. Allah le Très-Haut, il dit dans Sourate Al-Ankabut, verset 19, Alam yaraw kayfa yubdi'u Allah al-khalqa thumma yu'idu. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Ne voit-il pas comment Allah commence la création puis il la renvoie? Certes, cela est facile à Allah. ثم ذكر الله قصة موسى مع فرعون مبينا ما حصل مع الأمم السابقة. Et donc, et après cela, Allah il a cité l'histoire, le récit qu'il y a eu entre Moussa et Pharaon, en montrant ce qui s'est passé durant les communautés précédentes. Il dit alors, هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. T'est-il parvenu le récit de Moussa lorsque son Seigneur l'a appelé à la vallée, à la sainte vallée qui est intitulée, qui est appelée Touah? اذهب إلى فرعون إنه طغى. Va voir Pharaon, car certes, il a dépassé les limites. فَكُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ. Alors, dis, est-ce que tu veux te purifier? وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. Et que je te guide vers ton Seigneur, pour que tu le craignes. Et que tu le craignes. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. Alors il lui a montré les grands signes. فَكَذَّبَ وَعَصَى. Il a donc traité cela de mensonge et a désobéi. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. Puis il s'en est détourné et s'en est allé précipitamment. فَحَشَرَ فَنَادَى. Alors il a rassemblé les gens et a fait une proclamation. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Et a dit, je suis votre Seigneur le plus haut. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Alors Allah l'a saisi de la punition exemplaire d'ici-bas et de l'au-delà. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Il y a certes en cela une leçon à tirer pour tous ceux qui craignent. Ya Muhammad, ou Ya ayyuhal insan. Et donc ce qui est voulu ici, c'est ô Muhammad. Ou alors ô l'être humain, ô toi qui entends ce discours. Hal ataka hadith Moussa? T'est-il parvenu le récit de Moussa? Wa huwa Moussa ibn Imran. Et c'est Moussa le fils de Imran. Il nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa. Lorsque son seigneur l'a appelé à la vallée sainte de Tuwa. Et c'est à cet endroit que Allah a parlé à Moussa et lui a fait révélation. Et certes, nous affirmons que Allah parle. Et les paroles d'Allah ne sont pas comme les paroles de ses créatures. Fait quoi, elle est là? Alors Allah, il a dit à Moussa, اذهب الى فرعون انه طغى. Va vers Pharaon, il a certes dépassé les limites. Ay takabbara wa tajawaza haddahu. C'est-à-dire que il s'en est pris d'orgueil et a dépassé ses limites. Fa inna Pharaon kana malika Misr. Wa kana yad'u an-nas ila ibadati nafsihi. Certes, Pharaon était le gouverneur d'Égypte, le roi d'Égypte, et il appelait les gens à l'adorer lui-même. Allah tabaraka wa ta'ala cite la parole de Pharaon dans Sourate Al-Qasas, verset 38. Ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Je ne connais pas pour vous une autre divinité que moi. وكان يقول إنه ربهم الأعلى فلا رب فوقه. Et donc il disait qu'il était leur seigneur le plus haut et donc qu'il n'y a pas de seigneur au-dessus de lui. Il n'y a pas de seigneur au-dessus de lui. وفي عصرنا هذا هناك من يدعو الناس الى عبادة نفسه. Et à notre époque, il y a des gens qui appellent les autres à les adorer eux-mêmes. Wallahu al-musta'an. كيف لمخلوق يذهب الى الخلاء ثم يزعم انه اله. Comment est-ce qu'une créature peut aller faire ses besoins aux toilettes puis prétendre être une divinité? C'est contradictoire. Allah Ta'ala qui dit فَكُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى. Alors, dis, est-ce que tu veux te purifier? اُنْذُرُوا إِلَىٰ هَذِهِ تَرْبِيَةِ الْقُرْآنِيَّةِ. Regardez, méditez sur cette éducation coranique. Pharaon, ma'amakom bihi min al-zulmi, fada'a an-nas ila ibadati nafsihi, wa zada 'ala dhalika annahu za'ama annahu la rabba fawqahu li ahli Misr, wa annahu la ya'lamu lahum ilahan ghayrah. Hadha wa ma'a al-zulm الذي قام به على بني إسرائيل من قتل الصبيان واستعبادهم فكان فرعون قمة في الظلم. Et donc Pharaon, après tout ce qu'il a fait comme injustice, il a certes appelé les gens à l'adorer lui, et il a ajouté à cela le fait qu'il a prétendu qu'il n'y a pas pour les enfants d'Israël, il n'y a pas donc pour les Égyptiens de seigneur au-dessus de lui, et qu'il ne connaît pas pour eux une autre divinité que lui. Tout cela, et on rajoute à cela les injustices qu'il a accomplies envers les enfants d'Israël. Comme le fait de tuer leurs petits garçons, leurs enfants, et le fait de les réduire à l'esclavage. Pharaon était un sommet dans l'injustice. وَمَعَ هَذَا أَمَرَ اللَّهُ مُوسَى أَنْ يَتَلَطَّفَ بِهِ فَيُكَلِّمَهُ بِطَرِيقَةِ السُّؤَالِ فَكُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى. Et malgré cela, Allah a ordonné à Moussa d'agir avec lui avec douceur et de lui parler de façon interrogative, de lui dire « Est-ce que tu veux te purifier ?» Aïe, « Hel turidu en tutah en tatatahara mine shirki wa tuhassina halek » C'est-à-dire, est-ce que tu veux te purifier du polythéisme, améliorer ta situation et t'élever en degré? هذه الطريقة تغريبا في استجابة فرعون لأن الغرض هداية الخلق. Et donc cette méthode pour inciter Pharaon à répondre positivement à cet appel, car ce qui est voulu, l'objectif, la guider des créatures. فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَحَ أَحَدَ إِخْوَانِكَ فَانْظُرْ أَيَّ أُسْلُوبٍ تَسْتَعْمِلُ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ النَّصِيحَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ الْمَنْصُوحُ ويستجيب ويتحسن. Et donc, si tu veux conseiller un de tes frères, alors réfléchis à quelle méthode tu vas utiliser. Car l'objectif du conseil, c'est que la personne qui est conseillée profite, qu'elle réponde à ce conseil, qu'elle réponde positivement et qu'elle s'améliore. سنكتفي بهذا القدر اليوم وموعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. On va arrêter, on va se suffire de cela pour aujourd'hui, et notre prochain rendez-vous la semaine prochaine إن شاء الله تعالى, toujours pour le tafsir de Juz Amma, le dernier Juz du Coran. On demande à Allah تبارك وتعالى qu'il nous accorde la réussite, il est certes capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.